بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو، فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟ Je vous pose la question à Cheikh Ibn Uthaymeen sur هذا البخاخ. الربو c'est l'asthme. Enfin, les asthmatiques, ils ont une bombe qu'ils utilisent pour pouvoir mieux respirer. Enfin, ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen: est-ce que c'est permis d'utiliser cette bombe, je ne sais pas comment il l'appelle, de la ventoline ou autre, est-ce que c'est permis que As-Sa'im l'utilise, celui qui jeûne, est-ce qu'il peut utiliser cette bombe pour pendant qu'il jeûne, et la journée. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان. الشيخ ابن عثيمين قال سي بيرمي، que ça soit pour Ramadan ou autre, et que ça soit un jeûne obligatoire Ramadan ou un jeûne recommandé, مثلاً واحد في lundi, le jeudi, etc. Donc c'est permis. قال وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح فيه من خاصية، نعم، لما فيه من خاصية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a montré que c'est permis. لماذا؟ لأنه c'est pas de la nourriture. C'est mujarrad bukhakh. C'est comme un gaz, comme de l'air. Pour faciliter à ce malade, à cet asthmatique, de pouvoir mieux respirer. هذا. Donc ce n'est pas de la boisson, ce n'est pas de la nourriture. قال شيخ العثيمين ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا بعد ذلك. Ça lui permet de respirer normalement. قال فليس هو بمعنى الأكل والشرب ولا أكلا ولا شربا يصل إلى المعدة. C'est pour ça que les asthmatiques qui utilisent cette ventoline, ils ne ressentent pas, nahum, ils ont mangé, ils ont toujours faim, etc. Donc, à la kulihal, il n'y a aucun doute que c'est permis. Les ma'adal et anna, ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas de la boisson. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. Ça, c'est une règle importante. La base, c'est que le siyam, il est valide. La base, c'est que le jeûne, il est valide. Sauf celui qui fait une chose qui annule ce jeûne. Maintenant, la nourriture, la boisson, avoir des rapports, boire, etc. Amma, une chose qui n'est pas considérée comme annulative, la base, c'est que ça n'annule pas le jeûne, sauf si quelqu'un montre la preuve du Coran et de la Sunna. Ou l'unanimité des savants, ou un qiyas sahih. Maintenant, beaucoup de gens, ils se posent la question sur le parfum. Le parfum, ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas de la boisson. Et le musulman, il doit se parfumer, qu'il jeûne ou pas. Pardonnez, il se pose la question sur les gouttes pour les yeux, pour les oreilles. Tout ça, le ulama, il dit que c'est permis. Les mains, il y en a, tu as cette règle. Tant que ce n'est pas un annulatif, ou ça ne rejoint pas un annulatif, en appliquant un qiyas sahih, la base, c'est que ça n'annule pas le jeûne. Wallahu a'lam. Naam, hadi al-fatwa al-marji' fada'il Ramadan de Cheikh Ibn Uthaymeen. Et كذلك نحن on l'a lu de Fatawa Ulama al-Bilad al-Haram, نعم, chapitre Siyam, page 298. والحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.